Lettre septième. Inquiétude causée par le procès monstre. Visite d'un républicain. Visite d'un doctrinaire. Ce dernier me rassure par ses promesses de sûreté et de protection. Nous avons réellement éprouvé une espèce de panique, occasionnée par les bruits que l'on fait courir au sujet du terrible procès. Bien des personnes pensent qu'il pourra donner lieu à des scènes effrayantes dans Paris. Les journaux de tous les partis sont si pleins de ce sujet que l'on n'y trouve presque pas autre chose, et tous ceux qui sont opposés au gouvernement, quelle que soit du reste leur couleur, parlent de la manière dont ce procès doit être conduit comme de l'abus de pouvoir le plus tyrannique qui jamais eut lieu dans l'Europe moderne. Les légitimistes disent que ce procès est illégal parce que les accusés ont le droit d'être jugés par un jury composé de leurs pairs, qui sont les citoyens de France, tandis que ce droit leur est refusé et qu'ils sont jugés par la Chambre des pairs. Je ne sais si une réponse satisfaisante sera faite à cette observation, mais je ne puis m'empêcher de croire qu'il y a quelque chose de fort plausible dans l'objection. Il n'est cependant pas bien difficile de voir que l'article 28 de la Charte peut être interprété dans le sens du gouvernement. La Chambre des pairs prend connaissance des crimes de haute trahison et des attentats contre la sûreté de l'État et qui seront définis par la loi. Or, quoique cette définition par la loi me paraisse, d'après ce que l'on m'a dit, une opération qui n'est pas encore tout à fait achevée, il me semble que dans quelques-uns des crimes pour lesquels ces accusés vont être jugés, il y a quelque chose de si ressemblant à de la haute trahison que la première partie de l'article peut fort bien s'y appliquer. Toutefois, les journaux, pamphlets et ouvrages républicains de toute espèce traitent la détention et le procès des accusés comme la plus horrible infraction à leur nouveau droit que roi couronné, pair créé et ministre en place aient jamais osé se permettre. Tout ce que l'infortuné Louis XVI a fait, tout ce que l'exilé Charles X a menacé de faire, n'a jamais, selon eux, approché de l'horreur de cet acte sans nom du roi Louis-Philippe Ier. Enfin, pourtant, cette horrible affaire a reçu une dénomination, c'est celle de procès monstre. Cette idée est heureuse et doit éviter de longues périphrases. Avant que l'on eût imaginé cette expression pittoresque, toutes les fois qu'il en était question dans les journaux ou dans la conversation, le sujet était amené par des circonlocutions dont on ne voyait pas la fin. Maintenant, toute cette éloquence préalable est devenue inutile. Procès monstre. Les deux seuls mots de procès monstre expriment tout ce que l'on pourrait vouloir dire, et ce qui suit n'est plus qu'une affaire de nouvelles et de faits. Ces nouvelles et ces faits varient cependant considérablement et vous laissent dans une situation d'esprit très vacillante quant à ce qui arrivera après. L'un vous dit que Paris sera mis immédiatement en état de siège et que tous les étrangers, à l'exception de ceux attachés aux différentes ambassades, seront très poliment priés de s'en aller. L'autre déclare que ce n'est là qu'une faible invention de l'ennemi, mais ajoute qu'il est néanmoins très probable qu'un assez fort cordon de troupes entourera la ville pour veiller jour et nuit à ce que les jeunes gens de la capitale, dans leur humeur guerrière, ne cherchent point à laver dans le sang de leurs concitoyens la tâche que la naissance illégitime du monstre a causée à la France. D'autres, enfin, annoncent qu'une légion de patriotes dévoués a juré de sacrifier une hécatombe de gardes nationaux pour expier une abomination dont il leur attribue la première origine. Il y en a beaucoup qui prétendent que le procès n'aura jamais lieu. Ceux-ci disent que le gouvernement, tout audacieux qu'il est, n'osera pas faire plus que montrer l'image du monstre pour effrayer le peuple et qu'une amnistie générale terminera l'affaire. À dire vrai, ce serait une pénible tâche que de rendre compte de la moitié seulement des histoires qui circulent dans Paris sur ce sujet. Mais je puis vous assurer qu'il suffit de prêter l'oreille au récit des terribles préparatifs qui se font au Luxembourg pour se sentir tout à fait mal à son aise, et plus d'une famille anglaise a déjà jugé prudent de quitter Paris. Il fut un moment où la véhémente éloquence d'un ardent républicain qui nous a fait une visite était réellement parvenue à nous inspirer presque de l'effroi. J'avais commencé par lui demander s'il croyait que les procès politiques qui vont avoir lieu produiraient d'autres résultats que les inconvénients qu'ils causeront aux partis intéressés. « Des résultats ? » s'écria-t-il. « Qu'entendez-vous par des résultats, madame ? La brûlante indignation de tant de millions de Français n'est-elle donc pas un résultat ? les exécrations des nobles cœurs mis au fer, emprisonnés, torturés, foulés aux pieds par la tyrannie, ne sont-elles pas un résultat? Les gémissements de leurs épouses et de leurs mères, les larmes de leurs enfants abandonnés, ne sont-elles pas un résultat? Oui, oui, madame, il y aura assez de résultats. Ils viendront, et quand ce moment arrivera, pensez-vous, madame, que la révolution prochaine en soit une de 3 jours? Il y en a une autre à qui elle ressemblera davantage. Il y avait dans ce discours un ton de prophétie si hideux que je frémissais en l'écoutant, et des pensées de passeports à faire signer et de voitures à louer s'arrangeaient comme par instinct dans ma pauvre tête. Mais avant notre sortie de la soirée, toutes ces sombres méditations furent agréablement dissipées par la visite d'un doctrinaire de distinction. Désirant voir mes craintes confirmées ou détruites, je me hâtai de lui dire que nous nous préparions à un brusque départ de Paris. « Et pourquoi ?» me demanda-t-il. Je lui fis connaître les craintes que je commençais à éprouver. Il en rit de bon cœur. « Qui donc avez-vous écouté ?» me dit-il. « Je ne vous citerai point mon autorité, » répondis-je, « mais je vous apprendrai exactement ce qu'elle m'a dit. » L'ayant fait, M. X se mit à rire plus franchement encore qu'auparavant. « C'est délicieux, » s'écria-t-il. Et vous avez donc réellement été assez heureuse pour tomber sur un de ces enfants perdus. Mais ne partez pas sur le champ, je vous en prie, continua-t-il. Écoutez auparavant une autre version de cette affaire. C'était là précisément ce que je désirais, et après l'avoir assuré qu'il ne pouvait me rendre un plus grand service que de me mettre au fait du véritable état des affaires, je fermai la croisée, afin que le roulement des voitures ne m'empêchât pas de bien écouter ce qu'il allait me dire. Et voici le résumé de son discours. « Ma bonne dame, soyez tranquille. Il n'y a pas plus de danger de révolution aujourd'hui en France qu'il n'y en a en Russie. Louis-Philippe est adoré, les lois sont respectées, l'ordre est universellement rétabli, et s'il existe un sentiment de mécontentement, ou quelque chose qui approche de l'irritation parmi nous, ce n'est que chez ces malheureux, qui conservent encore l'espérance de troubler notre paix et notre prospérité. Mais ne craignez rien. Vous pouvez être rassuré. Le nombre de ces hommes est trop petit pour qu'ils puissent valoir la peine même de les compter. » Je me réjouis de l'apprendre. « Et ce procès, comment pensez-vous qu'il finisse ?»« Comme tout procès doit finir, par la punition de ceux qui sont reconnus coupables. »« Veuille le ciel, repris-je, pour le bonheur de l'humanité en général, et en particulier pour cette partie du genre humain qui habite en ce moment Paris. Mais ne pensez-vous pas, monsieur, que l'irritation produite par les préparatifs qui se font au Luxembourg soit réellement d'une étendue considérable et d'une grande violence? Quelle que soit son étendue, toutes les personnes les mieux instruites sont convaincues que le sentiment de ceux qui approuvent ces préparatifs est bien plus généralement répandu et en même temps plus sincère. Je puis vous assurer que ce procès est très populaire. Il doit servir à la justification et à la protection de la garde nationale. Et ne sommes-nous pas tous gardes nationaux? Vous avouez cependant qu'il est très probable que l'opinion républicaine sera assez forte pour produire de nouveaux troubles, quoique peut-être pas une nouvelle révolution, et la situation des étrangers deviendrait fort embarrassante si elle donnait lieu à une nouvelle explosion d'enthousiasme public. Pas le moins du monde, je puis vous l'assurer, car en tout cas cet enthousiasme, comme vous lui faites l'honneur de l'appeler, ne servira qu'à mettre au jour de nouvelles preuves de la stabilité et du pouvoir du gouvernement dont nous avons maintenant le bonheur de jouir. Ce sont là, dis-je, les nouvelles les plus agréables que vous puissiez donner à une pacifique voyageuse, et désormais je m'efforcerai de lire et d'écouter tranquillement tout ce que les accusés et leurs partisans jugeront convenable de faire ou de dire. Et vous ferez sagement, croyez-moi. Soyez parfaitement tranquille, et assurez que Louis-Philippe regarde les Anglais comme ses meilleurs amis. Tant que cela sera, vous saurez aussi sûr à Paris que vous pourriez l'être au château de Windsor ou à la tour de Londres. » Ce fut en achevant ces paroles encourageantes qu'il me quitta, et comme, à dire vrai, je le crus mieux instruit de la nouvelle politique de la jeune France que la plupart des personnes, je continuerai à accepter des invitations sans craindre que des barricades m'empêchent de m'y rendre.